On a pris la route un matin, il y avait quelques nuages. On a pris la route à 20 ans, tous les deux sans bagage. T'avais ton haut bleu, ton chapeau et ta jupe bizarre. Tu t'es endormi, je ne t'ai pas quitté du regard. On passe à des ponts, des stations, des papilles peu rapides. Et l'autoradio passait en boucle, les Kings et Lou Reed. Tu te réveillas en sursaut au klaxon d'un camion. T'avais la marque de la portière en plein sur le monde. Let's go. maintenant tu vas jouer. Tu vas jouer. Papa est fatigué. Bon, tu prends 3 euros dans ton portefeuille. Attends, tu es une maman. Tu vas acheter le pain. Tu prends le reste en bonbons et surtout, prends ton temps.